Bonjour à tous et bienvenue sur Calico Mag en compagnie de Gatien et Laurie. Et des élèves de LCE espagnol et anglais. Commençons tout de suite avec Mélanie, el presidente del Zimbabue dimite. El presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, ha cedido a las presiones y ha dimitido de su cargo. Lo anunció el presidente del Parlamento, Jacob Bunenda. El nonagenario líder ha presentado una carta de renuncia, sucumbiendo así a las presiones que desde hace una semana piden su renuncia. El miércoles 15, un levantamiento militar asumió el control del gobierno. Desde entonces, tanto su partido como los veteranos de la guerra han presionado para que el líder dimitiera de su cargo, alegando que ya no era capaz de seguir al frente del país y de haber permitido a su mujer, la primera dama Grace Mugabe, usurpar el poder. El anuncio ha llegado al mismo tiempo que el Parlamento de Zimbabue comenzaba un proceso para llevar a cabo una moción de censura contra el presidente. Es la segunda vez que el Parlamento optaba por esta medida para acabar con su mandato. Anteriormente fue a través de una moción presentada por la oposición en el año 2000. Su marcha supone el fin de 37 años de régimen autoritario, pero de momento no supone el final del gobierno de la Unión Nacional Africana de Zimbabue Frente Patriótico. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a démissionné ce mardi 21 novembre. Le leader nonagénaire a cédé aux pressions. Il a avancé qu'il n'était plus capable d'être à la tête du pays. Sa femme ambitionne de prendre le pouvoir. Cette démission met fin à 37 années de régime autoritaire. On enchaîne tout de suite avec Nabila. El asesino Charles Manson muere a los 83 años. Murió la muerte, encarcelado desde 1971 a la edad de 83 años, el maligno Charles Manson, condenado a la pena de muerte, falleció ese domingo en el hospital de Mercy Bakersfield, en California, por causas naturales. Entre julio y agosto de 1969, Manson y sus acólitos bautizados de Manson Family cometieron 9 asesinatos, entre ellos el de la actriz Sharon Tate, embarazada de 8 meses. Más allá de la locura y de la psicopatía, Manson se convirtió como un líder que decidió hacer realidad de sus incomprensibles y violentas acciones. Fue un niño que saltó de casa en casa hasta sus 12 años cuando se produjo su primer delito. Cuando se instaló en San Francisco en 1967, había pasado la mitad de su vida en correccionales. Al tiempo que intentaba ganarse la vida como cantante, se rodeó de seguidores. La intención del grupo era iniciar una guerra entre blancos y negros. Estas ideas provenían de una profesión que Manson creyó detectar en una canción de los Beatles. Le tueur et gourou Charles Manson est mort ce dimanche de cause naturelle à l'âge de 83 ans. Responsable de plus de 9 meurtres et de celui de Sharon Tate, enceinte de 8 mois, Charles Manson est condamné à mort lorsque la Cour suprême de Californie abolit la peine de mort en 1972. Il a donc été condamné à la prison à perpétuité. On écoute maintenant le spécialiste des serial killers, Stéphane Bourgoin, qui avait rencontré Charles Manson. Oui, je m'attendais à trouver un individu de petite taille, évidemment. Il faisait 1m57. Oui. Et par contre, son regard était vraiment prenant, magnétique. Et dès démoniaque, presque. Je dirais surtout un regard perçant et totalement mort, vide. Et dès que je m'installe face à lui, on est séparés par une table, il s'assoit sur le dossier de la chaise pour me dominer et tenter de prendre le dessus pendant l'entretien. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis aussi installé sur le dossier de la chaise. Il a commencé à rire et il a fini par s'asseoir. C'est ce qui fait de lui un gourou psychopathe, ce désir de toute puissance, de contrôle des autres? Oui, on le présente comme quelqu'un, entre guillemets, de fou, de psychotique. Mais il a été reconnu comme tout à fait responsable de ses actes, comme à peu près 98% des tueurs en série le sont. Merci Nabila. Parlons un peu politique avec Johan. Angela Merkel, is her mandate over? Yeah, almost 2 months after her re-election for the fourth time, Angela Merkel has still not managed to create a decent coalition which is needed in order to have a majority at the head of the government to rule Germany. Although discussions had been going on ever since the 24th of September, no true alliance emerged among the different parties. The situation is getting more and more strained and begins to worry other European countries. Some suppose it's high time for the 63-year-old Chancellor, after 12 years at the head of Germany, to finally retire from political life for good. Let's listen to what she declared just after Sunday's deliberations. It is at least a day of deep reflection on how to go forward in Germany. But I will do everything possible as transitional chancellor to ensure that this country will be well led through these difficult weeks. I regret deeply, with all respect to the FDP, that we couldn't find a common solution. Well, speaking of solutions, two may appear to be the most concrete, whether Angela Merkel likes it or not. The first would be to propose a brand new election, which could possibly make the situation even worse, as it could give Alternative für Deutschland, Germany's far-right party, even more votes than it had during the suffrage of September. The second, creating a minority government with either the Greens or the Free Democratic Party, which is very unlikely. A third solution will be considered during this week. Martin Schulz, the leader of the Social Democratic Party, will meet the German president this Wednesday, the 22nd. But will he change his mind after strongly stating that he would not form an alliance with the opposition? Well, the answer is expected within the next couple of days. C'est peut-être bientôt la fin pour Angela Merkel. 2 mois de discussion et toujours pas de coalition pour le gouvernement allemand. Débutant son 4e mandat, plusieurs solutions s'imposent pour régler le problème et permettre à la chancelière allemande de conserver son parti, l'Union chrétienne sociale, à la tête du Parlement. Entre autres, l'organisation d'une nouvelle élection qui pourrait bien profiter au parti d'extrême droite allemand, ou bien poursuivre les négociations pour finalement créer une alliance avec les Verts et le Parti démocrate. L'issue des discussions sera connue dans les prochains jours. Changeons de continent et voyageons en Asie avec Jeanne. Una nueva sanción de Trump a Corea del Norte. En efecto, el presidente Donald Trump ha anunciado este lunes la vuelta de Corea del Norte a la lista de países patronizadores del terrorismo, lugar que había abandonado en 2008 durante la administración de George W. Bush. Estados Unidos está designando a Corea del Norte como un estado patrocinador del terrorismo. Debería haber sucedido hace años. Además de amenazar al mundo con la devastación nuclear, Corea del Norte ha apoyado reiteradamente actos de terrorismo internacional, incluido asesinatos en territorio extranjero. La última vez que Pyongyang fue considerada patrocinadora del terrorismo fue en 2008, pero el gobierno de George Bush retiró esta oscura denominación para impulsar las negociaciones que pongan fin al programa nuclear. La medida, que también se aplica a Siria, Irán y Sudán, irá acompañada de nuevas sanciones económicas este martes y supone una nueva vuelta de tuerca a la estrategia de presión de Washington para poner fin al programa nuclear y balístico del régimen de Pyongyang. Bush hijo había retirado la calificación en un intento de avanzar en la negociación nuclear, valorando que el régimen norcoreano, entonces en mano de Kim Jong-il, padre del actual líder, había accedido a proseguir el desmantelamiento de su planta de plutonio y que aceptaba algunas inspecciones. 9 años después, la administración Trump ha concluido que fue un paso en falso y que Pyongyang sigue dando apoyo a actos internacionales de terrorismo. Bush fils avait supprimé la Corée du Nord de la liste américaine des pays appuyant le terrorisme en 2008. 9 ans plus tard, Donald Trump remet la Corée du Nord sur cette liste, avançant comme argument que Pyongyang continue d'appuyer les actes de terrorisme internationaux. Restons en Corée du Nord avec Hélène. What does women's life in North Korean army look like? Lee So-yeon gave an interview last Tuesday to the BBC about her usual life as a soldier on the North Korean army. Now 41, she served her country for 10 years before escaping to South Korea in 2008. She involved in the army in the 1990s when the famine was devastating the whole country every day. Most of her male relatives had already accepted to become soldiers in order to get money to meet their family's needs and also because it is regarded as an act of patriotism. She quickly noticed that women were not as equal as their male counterparts. They had to perform daily chores like cleaning, cooking, that men do not do, and some of Lee Soo-yeon's female colleagues were raped by the company commanders. Although the government assured that rape is condemned to 7 years imprisonment, few soldiers have found culprit of rape because most of the time nobody testifies as it takes part of the patriarchal attitude of North Korean society, according to Juliette Murillo. In addition to the rapes, women suffer from the bad conditions of living. Let's listen to Lee Soo-yeon explaining how tough the conditions were. After 6 months to a year of service, we wouldn't menstruate anymore because of malnutrition in the stressful environment. The female soldiers were saying that they are glad that they are not having periods. They were saying that they were glad because the situation is so bad. If they were having periods too, that would have been worse. One of the toughest things is that we can't shower properly because there is no hot water. They connect a hose to the mountain stream and have water directly from the hose. We would get frogs and snakes through the hose. She decided in 2008 to escape to South Korea, but she was arrested in China and sent 1 year in prison. But she attempted again to escape, and thanks to a broker, she moved through China to South Korea. In 2015, the government announced that all women must do at least 7 years of military service from the age of 18. It also assumed that women's life conditions would be improved. But Juliette Murillo argued that women do not always have access to private toilets and often have to relieve themselves in front of men. Inequality remains too important, and not only in North Korean army. Lee Soo-yeon a donné une interview mardi dernier à la BBC au sujet des conditions de vie des femmes au sein de l'armée nord-coréenne. Avant d'avoir fui son pays en 2008, elle est sergent dans l'armée pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Rapidement, elle se rend compte que les conditions sont très dures, même si en apparence, elle découvre certains luxes qu'elle ne connaissait pas. Dans son interview, Lee Soo-yeon affirme que les femmes enrôlées dans l'armée subissent un harcèlement sexuel quasiment quotidien. Elles ne peuvent pas manger à leur faim et donc leur système menstruel est entièrement déréglé. Depuis 2015, le gouvernement nord-coréen tente d'avoir plus de femmes au sein de l'armée et a mis en place un service obligatoire de 7 ans pour les femmes âgées de 18 ans. Les conditions de vie semblent aussi s'améliorer, mais l'inégalité demeure toujours entre les hommes et les femmes au sein de l'armée. Continuons avec Justine. Cuatro individuos dedan a la fuga tras disparar a varios arrestantes en el sur de Madrid. Sí, un grupo de cuatro varones ha abierto fuego en la noche del lunes contra varios agentes de la Guardia Civil en la autopista R4 a la altura de Pinto. El tiroteo se ha iniciado cuando los sospechosos, al bordo de un camión robado, se han percatado de la presencia de los agentes que los seguían con un coche camuflado. Los guardias civiles pertenecen a la Policía Judicial de León y habían iniciado un dispositivo de vigilancia sobre el grupo investigando una red especializada en el robo de vehículos. Por suerte, ningún agente ha resultado herido en el intercambio de disparos y el camión cargado de vino ha sido recuperado por las fuerzas del orden. Quatre individus recherchés après avoir tiré sur des agents dans le sud de Madrid. Un groupe de quatre hommes a ouvert le feu dans la nuit de lundi à mardi contre des agents de la Guardia Civil après avoir compris qu'ils étaient suivis. Aucun des agents n'a été blessé et un dispositif de vigilance a été mis en place sur ce groupe spécialisé dans le vol de véhicules. Clementine, Amsterdam, nueva sede de la Agencia Europea del Medicamento. La decisión la votaron los ministros de los 27 países miembros de la Unión Europea el lunes 20 de noviembre en Bruselas, pero fue un sorteo que permitió elegir entre Bruselas, Milán y Ámsterdam, que tenían el mismo número de votos. En efecto, la Agencia del Medicamento se ubica actualmente en Londres, pero por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, tiene que trasladarse a otra ciudad europea. entre las ciudades favoritas estaba Barcelona, junto a Milán, Copenhague y Bratislava. Pero a pesar de una campaña llevada por Mariano Rajoy en la cumbre social de Gotemburgo en Suecia este viernes, el problema del desafío independentista apartó la capital catalana para la sede de la Agencia del Medicamento. Ahora escuchamos la opinión de Dolores Montserrat, ministra de Sanidad. Yo me atrevo a decir que este quizás es uno de los daños directos, otro de los daños directos que nos ha podido llevar el independentismo a Cataluña, pero que ahora más que nunca todos juntos tenemos que trabajar unidos para continuar en este gran proyecto que es la Unión Europea, que es España, porque realmente la división y la segregación no nos llevan a ninguna parte. C'est officiel, c'est Amsterdam qui accueillera le siège de l'Agence européenne du médicament. Les 27 ministres des États membres de l'Union européenne ont voté ce lundi 20 novembre à Bruxelles, mais c'est un tirage au sort qui a départagé Bruxelles, Milan et Amsterdam qui étaient à égalité. C'est une grande déception pour Barcelone qui comptait parmi les favorites. Tournons-nous donc vers les étoiles avec Sophie, The Interstellar Cigar. On the 19th of November, for the first time ever, an Hawaiian-based astronomer observed an interstellar asteroid traveling in our solar system. Last Sunday, Rob Werick, a postdoctoral researcher at the University of Hawaii Institute for Astronomy, discovered the foreign object and realized with his co-workers that it was moving so fast that it had not been affected by our sun's gravitational pull. But no worries, there is no risk for it to collide with the Earth. Yet, what is very interesting to the researchers is its unconventional shape, that of a 180 meters long cigar. But above all, its trajectory, which suggests that it is originated in another planetary system than ours. This makes it a really valuable subject of study, since it is the first time that, thanks to the performances of new telescopes, we are able to obtain reliable images. Besides that, its size and reddish color are similar to our solar system's asteroids. It remains that scientists have to make the most of the time they are given to study it. We'll now hear Kelly Fast and Lindley Johnson from the NASA. There's still quite a bit to learn about this interstellar object and limited time because it's on its way out of the solar system. It's fading very fast. It's a relatively small object, so it's very dim. But we are continuing to try to use NASA assets like the Hubble Space Telescope and Spitzer to take observations to determine more about its size and composition. The asteroid, nicknamed Oumuamua, which literally means in Hawaiian a messenger from afar arriving first, will surely reveal some more information in the future. Ce dimanche 19 novembre, un astéroïde de forme étrange commence sa traversée de notre système solaire. Un chercheur de l'Institut d'astronomie à l'Université d'Hawaï détermine d'après la trajectoire de l'objet qu'il provient d'un autre système planétaire. C'est la toute première fois que la NASA et d'autres stations spatiales ont la chance d'observer un tel phénomène grâce aux avancées technologiques des télescopes modernes. Surnommé Oumuamua, qui veut dire le premier messager venu de loin, en hawaïen, l'astéroïde sera au centre de l'attention des scientifiques car bientôt il disparaîtra à nouveau dans l'espace. Judith, Perú, último clasificado al Mundial de Rusia 2018. La Copa Mundial de Rusia 2018 se acerca cada vez más. El largo camino clasificatorio culmina este miércoles 15, pasada la medianoche, con la victoria de Perú frente a Nueva Zelanda por 2-0. Perú captura el último boleto a Rusia después de 36 años. Así quedaron definidos los 32 seleccionados que disputarán la cita mundialista. La gran cita del fútbol a nivel internacional comenzará el próximo año desde el 14 de junio hasta el 15 de julio. Y ya están todos los países que animarán en el sorteo que se realizará este 1 de diciembre en Moscú, en el Palacio del Kremlin. Le puzzle est complet. Victoire du Pérou 2-0 contre la Nouvelle-Zélande dans la nuit de mercredi 15 à jeudi 16 novembre. Il devient le 32e et dernier qualifié pour le Mondial 2018 en Russie après 36 ans d'absence. Les 32 qualifiés sur 210 candidats au départ ont désormais rendez-vous le vendredi 1er décembre à Moscou pour le tirage au sort afin de constituer les groupes. La 21e Coupe du monde de football de l'histoire se déroulera du jeudi 14 juin au dimanche 15 juillet. J'aimerais tellement avoir la chance d'avoir des places pour un match. Toi aussi, Laurie ? Oui ! Je pense que tout le monde aimerait. Oui, bien sûr. Toujours avec Judith, la rubrique « On efface tout ». ». Alors cette semaine... Comme je disais, cette semaine, j'ai pour vous des actualités croustillantes à ne vraiment pas manquer. Hier soir, Benjamin Castaldi a reçu de gros reproches de la part de l'équipe de Touche pas à mon poste. Ils ont notamment pointé un problème important, qui sont ces flatulences intempestives et incommodantes. Ils lui demandent alors tous, de régler ces problèmes de transit. Ce mardi encore, dis donc, il s'en est passé des choses hier, c'est incroyable. La famille Trump s'est réunie dans les jardins de la Maison Blanche pour gracier la dinde de 16 Thanksgiving qui s'appelle Drumstick. Oui, elle a un prénom, elle est importante. Il lui offre donc à cette dinde une retraite paisible dans une ferme des États-Unis. Elle est ainsi sauvée des assiettes. Toute la famille était présente pour cet événement important et pour le discours du président qui était... Salut Drumstick, oh je pense que tu vas être très très contente, tu es prête, tu es à présent graciée. Retournons en politique, mais cette fois-ci aux États-Unis avec Laurie, Resignation of Anti-LGBT Representative. The Republican representative of Ohio, Wesley Goodman, was caught in his office with a man. The story could have remained anecdotal if he wasn't an elected representative with very conservative positions, especially about homosexuals. Wesley Goodman, 33 years old, was known to his fellow citizens for his anti-LGBTQ stances. Fervent defender of the family model of a man and a woman, Wesley Goodman advocated a natural marriage. He explained on his website, "Healthy, dynamic, prosperous and values-oriented families are the source of proud history of Ohio and the keys to the future greatness of the state." He led the fight for conservative principles such as balanced budgets, lower taxes, the rejection of Obamacare, and the right to life and religious freedom. Married to a leader of anti-abortion organization, he was caught to have an inappropriate behavior with a man. This is not the first time a politician resigned after an inappropriate behavior. Let's listen to a television channel to the U.S. talk about that. Legislators and staff members continue to drop like flies at the Ohio State House as the second person in as many days resigns over inappropriate behavior. NBC4's Ohio State House newsroom reporter Jason Aubrey. Speaker of the House Cliff Rosenberger made that comment 2 weeks ago when documents were released by the House showing three lawmakers and one staffer had been disciplined since 2015 for actions or behavior that was inappropriate or prohibited. The 33-year-old has resigned, leaving behind his anti-LGBTQ fights. He adds in a statement, "I sincerely regret that my choices and actions have prevented me from serving my constituents and our state in a way that reflects the best ideals of public service." Le représentant républicain de l'Ohio, Wesley Goodman, a été surpris dans son bureau avec un homme. Cela s'est passé il y a quelques mois, mais ce n'est que très récemment que la nouvelle a été rendue publique. Cette histoire aurait pu rester anecdotique s'il ne s'agissait pas d'un élu aux positions très conservatrices, notamment au sujet des homosexuels. Wesley Goodman, 33 ans, était connu de ses concitoyens pour ses positions anti-LGBT. Fervent défenseur du modèle familial composé d'un homme et d'une femme, Wesley Goodman prônait un mariage naturel. Il expliquait sur son site internet, les familles saines, dynamiques, prospères et axées sur les valeurs sont la source de la fierté de la fière histoire de l'Ohio et la clé de la grandeur future des États-Unis. Il menait le combat en faveur des principes conservateurs comme l'équilibre budgétaire, la baisse des impôts, le rejet de l'Obamacare et le droit à la vie et à la liberté religieuse. Marié à une responsable d'une organisation anti-avortement, il a été surpris ayant un comportement inapproprié avec un homme. L'homme de 33 ans a donc démissionné, laissant derrière lui ses combats anti-LGBT. Il ajoute dans un communiqué « Je regrette sincèrement que mes choix et mes actions m'aient empêché de servir mes électeurs et notre État d'une manière qui reflète les meilleurs idéaux du service public. » Théo, disparition de un submarino argentino. Sí, hoy se cumplen 7 días desde el último contacto con el submarino argentino San Juan, que desapareció en su viaje de regreso al Mar del Plata. Dentro del sumergible se encuentran 44 tripulantes. El presidente argentino, Mauricio Macri, afirmó este sábado en Twitter que su gobierno está comprometido a utilizar todos los recursos nacionales e internacionales para encontrar el submarino. Salvar la vida de 44 tripulantes se ha convertido en una causa internacional. al Atlántico Sur han llegado numerosos barcos y aviones provenientes de países como Chile, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Uruguay y Perú para ayudar en el rastreo. Déjà 7 jours depuis la disparition du sous-marin San Juan et de ses 44 membres d'équipage. Le président argentin a affirmé sur Twitter que son gouvernement était prêt à utiliser tous les recours possibles pour le retrouver. Cette disparition est maintenant un problème international. Merci Théo, maintenant la rubrique « Fallait pas la rater ?» Et oui, et parlons de Trump. Comme d'habitude, il a encore fait parler de lui cette semaine. Hormis la vente d'armes et l'amour des flonflons, Donald Trump ne vaut vraiment rien en politique internationale. Voilà maintenant qu'il annonce que la Corée du Nord sera à nouveau placée sur la liste des États terroristes. On enchaîne avec deux actus françaises. Vous avez tous entendu que François Fillon a annoncé son retrait de la vie politique. Secoué par le scandale Pénélope durant les présidentielles, il vient de mettre un terme à sa carrière. On espère qu'il profitera de sa nouvelle vie et qu'il ne reviendra pas trop vite comme Sarkozy. Et pour finir, même si je ne suis pas fan, parlons de Johnny. Tout le monde a bien sûr entendu qu'il était entre la vie et la mort cette semaine. Dieu merci, quelques jours après son hospitalisation, le chanteur était de retour sur les réseaux. On lui souhaite bien sûr un bon rétablissement. Retrouvons maintenant nous, Louis. A controversy about Russell Howard. Russell Howard has been criticized for claiming white people in the UK should not take advice from ethnic minorities on how to speak about race. On his show, Howard played a clip from Good Morning Britain in which stand-in presenter Richard Medley asks, do white people need instructions on how to ask to talk to black and Asian colleagues about race? Here's what he responded to this. Do white people need instructions on how to talk with black and Asian colleagues about race? No! But for some reason, a booklet, you will not believe this, a booklet has been made telling white people how to talk to ethnic minorities, and it contains helpful advice that nobody would ever... The booklet was published by non-profit organization Business in the Community and produced by Sandra Keir, the organization Race Equality Director. Included in the guide was advice not to ask to touch a black woman's hair, a practice that those affected by it say is commonplace and based on the notion that they are somehow a novelty. If you miss the opportunity to primary school to touch a black girl's hair, it is a bit too late now, the booklet says. Howard, however, claimed the problem did not exist. Who's doing that at work, he asked to laughter and applause from the audience. Also, who was doing this at school? There were no black girls at my school going, come on, rub away, it's so insane. The comedian said the piece of advice he had found most unnecessary was the recommendation to avoid asking people where they really came from. Mr. Howard's comments prompted criticism after a clip was posted on social media. Author and poet Muzo Okwonga wrote, I think Russell Howard is very ignorant and he doesn't know black women are constantly having their hair touched at work. The irritating thing about the above comedy is that it doesn't pay a second of attention to what's actually happening. The ignorance of so much British liberal comedy is breathtaking. It takes the position of school bully with unerring accuracy. Another summed up Howard's approach as, it hasn't happened to me, so it can't possibly be true. I'd recommend to check the whole comedy show so you can make your own opinion on the subject. Le comédien britannique Russell Howard a été récemment critiqué. On lui reproche sa déclaration sur le fait que les personnes de couleur ne devaient pas donner de conseils aux blancs lorsqu'il tenait des propos impliquant la notion de race. Lors de son émission, le comédien déclara que le guide publié par l'organisation Business in the Community, ayant pour but d'informer au sujet de ce qui peut déranger votre collègue noir ou asiatique, était totalement dément. Lors de son sketch, il refuse tout ce qui est présenté dans le livre et révèle peut-être un racisme enraciné dans la comédie mainstream ou tout simplement un manque de connaissances et de recul. Nous vous conseillons de regarder le sketch en entier afin de forger votre propre avis à ce sujet. Gatien, the cigarette may be forbidden in the French cinema. In order to fight against the tobacco addiction, the senator Nadine Grelet-Certenay thinks about forbid the cigarette in the French cinema. There was last week a huge increasing of the cigarette pack price in France, but there seems to be another possibility to reduce the tobacco addiction than increasing the price. Nadine Grelet-Certenay attacks the French cinema because she describes it as a cultural incitement to smoke. Indeed, in 70% of the new French movies, there is at least a shot showing a person smoking. Let us hear the reasoning she makes in the 16th of November during the review of the social security budget. Je pense, par exemple, au cinéma. qui valorise la pratique. La Ligue contre le cancer démontre dans une étude que 70% des nouveaux films français mettent à l'image au moins une fois une personne en train de fumer. Cela participe peu ou prou à banaliser l'usage, si ce n'est à le promouvoir auprès des enfants et des adolescents, qui sont les premiers consommateurs de séries et de films, sur Internet notamment. Des solutions doivent être envisagées pour mener une véritable politique de prévention, prenant en compte cette sorte de publicité détournée pour la consommation de tabac. This cause is also interesting. Agnès Buzyn, the health minister of France, she says, I want us to have a solid action on this problem. I do not understand the importance given to the cigarette in the French cinema. The debate is total with the internet users. Some are for this solution, the other find it totally absurd. I quote, total chaos on what is an artistic creation. There can be movies where the character kill themselves, drunk themselves, ride at 200 km per hour, but definitely not having a cigarette. Dans le but de lutter contre le tabagisme, la sénatrice Nadine Grelet-Certenay aimerait interdire la cigarette dans les films français. La semaine dernière, le paquet de cigarettes a vu son prix augmenter dans l'espoir de lutter contre le tabagisme. Cela dit, Nadine Grelet-Certenay avait songé à attaquer le cinéma français qu'elle considère être comme une incitation culturelle à fumer. En effet, une étude démontre que 70% des nouveaux films français contiennent au moins un plan où l'on peut voir quelqu'un en train de fumer. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, rejoint aussi la cause. « Je veux qu'on ait une action ferme là-dessus, je ne comprends pas l'importance de la cigarette dans le cinéma français. » Cependant, chez les internautes, le débat est total. Certains sont d'accord, d'autres trouvent cela stupide. Je cite un tweet. Confusion totale sur ce qu'est une création artistique. Donc il y aurait des films où on pourrait se tuer, se droguer, se saouler, rouler à 200 km/h, mais surtout pas la clope au bec. Envie de vous dépenser, demandez à Yasmine. 5 astucias para correr en el frío. Si por fin te había decidido a hacer running hasta que llegue de repente el frío que nos cae la cabeza, reduciendo así toda motivación de salir. Toda motivación de salir correr, pero no estás obligado a languidecerte en la esperanza, ya que en realidad nada te impide continuar tu footing, deberías solamente hacerlo de manera diferente. Y vamos a decirte cómo. Primero, calentarse. Para subir la temperatura de tu cuerpo, no dudas si hacer una pequeña sesión de calentamiento al interior antes de una sesión de footing. Eso te permitirá entrarte en calor suavemente y empezar con una temperatura corporal ya un poco elevada. Otra técnica imparable para evitar que te vuelves un congelador instantáneamente, apilar las ropas, pero atención, la idea no es de sudar en 5 minutos, sino poner en un primer tiempo una ropa que deja respirar y luego poner algo más caliente y acabar con una espesura aislante. Tercera astucia, para evitar sentir mucho el frío, hay que pensar en cubrirte las extremidades, manos, pies, orejas, el cuello. Esas zonas son las primeras que pierden grados cuando hace frío. Pues se debe invertir en buenos paraguantes, calcetines, bufanda. Y la penúltima astucia, muy importante, es comer, porque cuando comemos nuestro cuerpo se calienta. Para luchar contra el frío cuando estás corriendo, una de las técnicas consiste en tener contigo algo que picar, como una vara de cereales durante tu recorrido, lo que va a permitirte compensar la pérdida de calorías. Y última astucia, inspirar por la nariz. Cuando estamos corriendo en el frío, el error consiste generalmente en inspirar el aire frío, lo que enfría a nuestros pulmones y nos vuelve enfermo. Y para evitar eso, lo mejor es inspirar por la nariz y expirar por la boca para calentar el aire antes de que llegue a nuestro cuerpo. Tu t'étais enfin motivé à te mettre au running quand voilà que le froid s'est soudain abattu, réduisant à néant toute velléité de sortie. Mais figure-toi que tu n'es pas obligé de te morfondre dans la raclette, parce qu'en vrai, rien ne t'empêche de continuer ton petit footing. Il va falloir t'y prendre différemment, et voilà comment. Premièrement, s'échauffer. Pour faire monter la température de ton corps, n'hésite pas à faire une petite séance d'échauffement en intérieur avant la séance de footing proprement dite. Empiler les couches. Et oui, l'idée n'est de pas mettre beaucoup de vêtements, mais justement de mettre tout d'abord un vêtement qui laisse respirer et ensuite de continuer avec un vêtement plus chaud et enfin terminer avec une couche plus isolante. Ensuite, se couvrir les extrémités, ben oui, pour éviter de trop ressentir le froid, faut penser aussi à se couvrir les extrémités, les mains, les pieds, les oreilles et le cou. Ces hommes sont les premières à perdre des degrés quand il fait froid, donc on investit dans une bonne paire de gants, de chaussettes et une écharpe bien chaude. Enfin, manger. Comme tu as pu le constater, quand tu t'embifferais de raclette à gogo, quand on mange, le corps produit de la chaleur. Pour lutter contre le froid, quand tu cours, l'une des techniques consiste donc à emporter avec soi une barre de céréales ou à grignoter pendant le parcours. Cela te permettra justement de te réchauffer et de compenser la perte de calories liée au froid. Et toujours avec Yasmine, la rubrique départ immédiat. Nous avons tous un rêve de voyage, non ? Je ne peux pas croire à l'inverse. Personnellement, ils sont le moteur de ma vie, alors j'en ai plus d'un dans ma petite tête. Ici, ce sont les grands espaces entre terre et mer qui m'attirent. La notion de bout du monde, où la nature prend le pas sur l'humain. Eh oui, eh bien je rêve de Patagonie, entre l'Argentine et le Chili. Les paysages à couper le souffle, de la traversée du mythique Cap Horn, puis l'arrivée dans un univers hors du temps, unique et pur. Les premiers icebergs. J'en ai déjà des images plein la tête depuis quelques temps et j'aimerais tellement les voir en vrai. Et vous, s'isoler du monde, ça vous tente ? Après les partiels, non ? Oui, bah oui, mais oui, c'est une bonne idée. Encore un peu de sport avec Margot. La natación puede ayudar a tu salud. Efectivamente, con su práctica, ejercitamos muchos de los músculos y articulaciones de nuestro cuerpo sin necesidad de ejercer tensión sobre ellos. Hemos oído infinidad de veces que la natación es uno de los deportes más completos. En efecto, la natación es un deporte de bajo impacto debido a que dentro del agua no tenemos que soportar todo el peso del cuerpo gracias a la densidad. Así, debemos saber practicarla de forma correcta, ya que una mala postura puede desencadenar un efecto totalmente contrario al esperado. La natación también reduce el riesgo de sufrir lesiones por impacto o caídas. De esta manera, podremos realizar ejercicios a diferentes intensidades. La natation est un sport très complet et bon pour la santé. Nous utilisons beaucoup de muscles et d'articulations sans les abîmer pour autant. C'est pour cela que nous pouvons exercer ce sport à n'importe quel rythme, dans la limite du raisonnable. On retrouve Julien, 2016 Bachelor's Statistic Release. Only 41% of the bachelors succeed in their first year, according to the Minister of Higher Education. Frédéric Vidal, Minister of Higher Education, France, is in a struggle for bachelor failure and made it a pillar for her reform. The ministry has published this 21st of November the rates of success in the first year of bachelor. We can see in it that 41% of the bachelors in the first year have passed their exams compared to 40% in 2015, and that 28% obtained their degree in 3 years opposed to 27% in 2015. But it can be seen the other way around. It is still 60% of failure. However, we can see a neat difference between the rates of success in the exams from second to third year with a level of 75%. Another difference is that people succeed most if they were in a general pathway with 50% success rate, compared to 13% for technological pathways and 4% for professional pathways. Seulement 41% des bacheliers réussissent en L1 selon la ministre de l'Éducation supérieure. Frédéric Vidal, la ministre de l'Éducation, a fait de l'échec scolaire en études supérieures un des piliers de sa réforme. Le ministère a publié ce mardi 21 novembre les taux de réussite en L1. Il est montré que 41% des élèves de première année réussissent leurs examens, comparé à 40% en 2015. Et que 28% des élèves obtiennent leur diplôme en 3 ans, opposé à 27% en 2015. Mais il est possible de le voir dans l'autre sens, comme le dirait la ministre. Il s'agit de 60% d'échecs. Cependant, il y a une nette différence par rapport à un taux de succès en L2 ou en L3, avec 75% de réussite. Selena, we know the headlines of the Grass Pop Festival. Exactly, and they are quite numerous. Guns N' Roses, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Avenged Sevenfold, Judas Priest, Megadeth, Slim Bizkit, and so many others. During 4 days, from the 22nd to the 24th of June 2008, 46 groups will perform in the Grass Pop Festival from Dessel in Belgium, and it's possible for the fans to buy their tickets since last Saturday. This metal festival is not that young, it exists since 1995, and this is actually the 23rd edition. If I can give you an example of what this festival looks like, last year you could have seen legendary groups like Rammstein, so why not hearing a little extract of what they are capable of? Le festival de métal belge Graspop Festival annonce ses têtes d'affiche et des groupes mythiques tels que Guns N' Roses, Iron Maiden, Avenged Sevenfold et beaucoup d'autres seront présents du 22 au 24 juin en 2018. Et clôturons ce journal avec Joël. Malcolm Young died at the age of 64. Yes, Malcolm Young... Mais non, nous avons oublié la rubrique de Selena. Et oui, je suis là. L'oreille dans le vent. Et tout à fait, je vous propose de commencer cette rubrique, pardon, excusez-moi. Et voilà, ils m'ont déconcentré, j'ai oublié le jingle. Et je vous propose de commencer cette rubrique avec un groupe de métal, oui, encore du métal, Five Finger Death Punch, avec leur titre légendaire The Wrong Side of Heaven. Et si vous souhaitez les voir en live, des places se libèrent. Et maintenant un nouveau single pour le groupe londonien Gorillaz qui s'intitule Garage Palace. Profitez-en parce qu'ils sont en ce moment même en concert à Paris, si ça vous intéresse. Et enfin, pour rendre hommage aux regrettés guitaristes d'ACDC, je vous recommande vivement leur titre Hell Bells. Clôturons donc ce journal avec Joël. Malcolm Young died at the age of 64. Malcolm Young, guitarist and founding member of the famous band AC/DC, died on Friday, the 18th of November 2017. He was part of the biggest rock and roll band of all time with his two brothers, Angus and George Young. Unfortunately for all AC/DC's fans, Malcolm died not even a month after his big brother George. Malcolm Young devised many of AC/DC's best-known guitar riffs, marking out tracks such as Back in Black, Highway to Hell, and You Shook Me All Night Long, and establishing them as one of the biggest rock acts of all time. 3 years ago, the band announced that Malcolm Young was stepping down to receive treatment for dementia. Shortly afterwards, he retired permanently to be replaced by one of his nephew, Stevie, for the band's most recent tour. Malcolm has influenced many guitarists and will never be forgotten. There is only one thing to say to Mr. Young today. We salute you. Malcolm Young, guitariste rythmique et cofondateur du groupe AC/DC, est décédé ce vendredi 18 novembre 2017. Il avait créé le plus grand groupe de rock'n'roll de tous les temps avec ses deux frères, Angus et George Young. Les médecins de Malcolm avaient diagnostiqué qu'il était atteint de démence due à son alcoolisme et son usage fréquent de cocaïne. Il était connu pour son efficacité et sa discrétion sur scène, et a notamment composé quelques-unes des chansons les plus connues du groupe, telles que Back in Black, You Shook Me All Night Long et Highway to Hell. Comme le disent les paroles d'un des plus grands de leurs titres, nous te saluons. Merci de nous avoir suivis sur Calicomag, c'était Laurie. Et Gatien. Accompagnés des élèves de LCE espagnol et anglais, nous vous quittons sur un morceau de AC/DC. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à la semaine prochaine. Je vais rester comme ça. Putain, mais j'ai...